Chapitre 8. Il y eut le soir de brillants éclats de tonnerre, et sans nuages. Le ciel était parfaitement pur, de sorte que ce vacarme semblait une voix surnaturelle, inintelligible et menaçante. À la minuit, l'on vit l'une des étoiles les plus brillantes, comme prise de folie, se mettre à danser. L'on se souvint de Salomé, dont la danse avait précédé le trépas de Jean le Baptiste, et les savants les plus habiles à interpréter les analogies, où les hasards montrent des intentions, dire que la danse de la céleste Salomé annonçait le trépas du monde matériel, qui nous octroie l'eau du baptême, en vue de l'éternité spirituelle. Après que l'étoile eut dansé, elle disparut. On la chercha en vain dans le ciel. Les rêveurs qui avaient accoutumé de l'y voir s'en attristèrent. Les astrologues déclarèrent que l'économie de l'univers était dérangée. Le lendemain, plus noir que la figure des Éthiopiens, la lune passa devant le soleil et l'offusqua. Elle était venue, sans qu'on la vît cheminer. Elle s'arrêta de manière que fût évidente sa volonté, ou la volonté qui la guidait. Puis elle partit en catimini, sans qu'on devine à quel Josué, dompteur nouveau du soleil, l'avait amenée et les conduisait. Pendant que dura l'étrange aventure, les objets naturels ou fabriqués revêtirent la couleur du safran, les visages une pâleur livide et mortuaire. La nuit, dès son commencement, fut marquée d'une autre épiphanie. Une comète emplit de son feu une partie du ciel. D'abord, les bonnes gens la regardèrent avec plaisir, à cause de sa beauté, à cause de sa drôlerie d'un incendie suspendu aux voûtes aériennes du monde. La timidité de quelques spectateurs suscita une réplique de fanfaronnade, où les plus hardis s'amusèrent. Il advint aussi que des vieillards, mieux informés, avertirent les étourdis de n'être pas sans crainte, les comètes ayant toujours été de mauvais augure. La dernière fois qu'une avait jailli des étendues nocturnes, le mont Saint-Michel s'était enflammé comme un brasier dans la mer. La précédente fois, l'empereur d'Allemagne était devenu fou. La précédente fois, le pape avait été chassé de Rome. Et cette fois, que fallait-il attendre? Les sages ne le disaient pas. Mais le retour de la comète, chaque nuit, fatigua toute curiosité, ennuya le populaire et le mit en inquiétude maussade. Au couvent, le frère Siméon n'avait plus ni entrain ni courage. Les convers qui l'aidaient au jardin lui demandaient en vain ses avis. À peine leur répondait-il, et son peu de mots ne témoignaient plus de son art exquis ou de son intérêt seulement. Il ne voulait revoir ni le potager ni le verger, ni les plants des fées, ni les arbres défleuris. La besogne lui semblait immense et inutile, de sorte qu'il ne bougeait pas. Il rêvait tristement, et même la prière ne l'animait pas d'une ferveur qui valut le nom de pitié. Le prieur vint le soir et le secoua de remontrances cordiales, puis rudes. Le frère Siméon n'opposait qu'une extrême douceur de faiblesse à tant de fougue. Mais le prieur avait, dans son grand zèle, une fureur de joie terrible et ridicule. Ah, que l'horreur de la catastrophe où le monde serait englouti comptait peu, au regard de cet homme qui pressentait que ses calculs et pronostics étaient justes. L'énivrant orgueil de la mort de l'univers nous mène au sacrifice. Le prieur agréait de mourir. Ce petit prieur d'un couvent perdu dans un coin beauceron se croyait régent de la destinée, pour entrevoir une coïncidence des événements et de l'idée qu'il en avait adoptée. Une telle arrogance et quelque férocité en surcroît choquèrent le frère Siméon, lui offensèrent son indulgente humilité. Il en fut éveillé de sa mélancolie, et sur un ton de polémique dont il n'avait pas l'usage, il dit « Qu'est-ce que le monde vous a fait ?» Le prieur éberlué ne répondait pas. « Ce pauvre monde que vous condamnez sans chagrin ?» Ce pauvre monde pour qui vous avez tant d'attachement, frère Siméon, n'est que péché. Il expira, cela est dit, ne le répétez pas. Le prieur demanda au frère Siméon, avez-vous pitié du monde? Oui, répondit le frère Siméon. Vous avez donc pitié du péché, lui rétorqua le prieur, qui ayant affirmé que le monde et le péché se confondaient, usait maintenant de logique simpliste à l'encontre de l'adversaire. Si j'avais pitié du pécheur, répliqua le frère Siméon, je suivrais l'exemple divin. Le temps de la patience est passé, reprit le prieur. Voici le jour de la colère et de la vengeance, où le monde sera mis en poudre. Je le sais et le prophétise. Il faut que la prophétie éclate. Il pérorait ainsi. Le frère Siméon, las de l'entendre, lui dit. Prenez garde, il est écrit qu'à l'approche des jours derniers, il y aura de faux prophètes, qui devanceront l'Antéchrist et qui seront les précurseurs de son imposture. Le prieur s'en alla très mécontent.